Les avocats protestent contre la recommandation de vaccination STIKO pour les adolescents. La commission permanente des vaccinations, STIKO en abrégé, a annoncé lundi 16 août 2021 qu'elle recommande désormais la vaccination contre le Covid pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Auparavant, le Conseil médical consultatif a toujours refusé de prononcer une recommandation générale de vaccination des adolescents. Avant le 16 août, la STIKO n'avait recommandé qu'aux jeunes souffrant de maladies préexistantes de se faire vacciner contre le Covid. Cette réticence a parfois été vivement critiquée du côté politique. Markus Söder, premier ministre bavarois, a par exemple déclaré « Nous apprécions la STIKO, mais il s'agit d'une organisation bénévole. L'Agence européenne des médicaments, ce sont eux les professionnels. C'est eux qui ont décidé que le vaccin soit admis. » Le brusque changement d'avis de la STIKO soulève donc la question importante de savoir si la STIKO est vraiment aussi indépendante qu'elle ne cesse de l'affirmer. La STIKO a-t-elle finalement cédé à la pression politique? Dans un appel urgent, de nombreux avocats demandent maintenant à la STIKO de retirer la recommandation de vaccination émise pour les substances génétiques expérimentales pour tous les enfants âgés de 12 à 17 ans. Dans une lettre de 11 pages adressée nominativement à tous les membres de la STIKO, les avocats justifient leur protestation. Vous pouvez voir l'intégralité de la lettre à la fin de cette émission. Maintenant, nous vous donnons quelques points essentiels et résumés de l'argumentation des avocats. Premier point, les enfants ne sont pas ceux qui répandent la pandémie. Deuxième point, les chercheurs du COVID disent « les écoles ne sont pas un risque ». Troisième point, substances génétiques expérimentales non explorées. Les vaccins COVID-19 ne sont pas des vaccins classiques, mais des substances génétiques expérimentales. Les effets secondaires observés jusqu'à présent sont dramatiques et extrêmement préoccupants. Les effets à long terme ne sont tout simplement pas connus. Selon la banque de données EUDRA Vigilance, 20 595 décès et 1 960 607 personnes souffrant d'effets indésirables ont été signalés au 31 juillet 2021 suite à des injections de 4 produits génétiques expérimentaux contre le COVID-19. Les avocats parlent ici de vaccination. Quatrième point. Les personnes asymptomatiques qui ne présentent pas de symptômes ne transmettent pas de virus. Cinquième point, deux fois plus d'hospitalisation chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Israël est le pays du monde où il y a le plus grand nombre de personnes vaccinées. Pourtant, il n'y a pas de différence statistique dans les cas entre les vaccinés et les non vaccinés. Étonnamment, il y a deux fois plus d'hospitalisation chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Sixième point, des chiffres dramatiques des effets secondaires signalés. 438 440 cas avec des effets secondaires graves liés au vaccin ont été enregistrés sur le portail VAERS. Entre autres, 9 048 décès, 26 818 hospitalisations, 2486 paralysies faciales, 2152 chocs anaphylactiques, 985 fausses couches, 3324 crises cardiaques et 7463 handicaps y ont été enregistrés depuis le début de la vaccination. Septième point. Tous les animaux ayant eu l'injection ARN messager sont morts en cas de réinfection. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été évoqué publiquement que lors des études sur les animaux, tous les animaux sont morts après l'injection d'ARN messager dans le cas de réinfection. Huitième point, les substances génétiques expérimentales contiennent de l'oxyde de graphène. Neuvième point, les substances génétiques expérimentales peuvent provoquer l'infertilité. Dixième point, les substances génétiques expérimentales ne peuvent pas empêcher la propagation du COVID-19. Onzième point, un résumé et un appel. Compte tenu de ce qui précède, il est irresponsable de recommander que la population, en particulier les enfants de plus de 12 ans, soit vaccinée avec des substances génétiques expérimentales. Nous ne devons en aucun cas exposer les enfants et les jeunes à des substances génétiques expérimentales et non étudiées. Le Code de Nuremberg interdit l'expérimentation humaine. La STIKO est tenue d'adhérer également au Code de Nuremberg lorsqu'elle fait des recommandations. Nous demandons instamment de retirer immédiatement la recommandation ci-dessus. Chers téléspectateurs, cet appel urgent des avocats qui se sont mobilisés dans cette affaire vous a-t-il interpellé? Nous aimerions conclure cette émission en donnant deux possibilités pour devenir vous aussi actifs. Premièrement, les avocats demandent aux Allemands de diffuser cette lettre le plus largement possible et de la joindre également à leur lettre personnelle. À cette fin, nous proposons la lettre des avocats à télécharger sous cette émission dans l'encadré bleu de notre page originale www.kla.tv. Les auditeurs allemands peuvent donc se joindre à cette lettre et protester également auprès de la STIKO ou écrire au ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales compétentes ou au bureau de santé. Deuxièmement, étant donné qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité des rapports critiques sur les vaccins sont censurés par les médias de masse, c'est-à-dire par les plateformes sociales telles que YouTube ou Facebook, nous ne pouvons atteindre les gens que par des téléspectateurs actifs qui transmettent nos émissions aux personnes intéressées. Par conséquent, faites suivre cette émission urgente maintenant au plus grand nombre possible de parents, amis, collègues et proches concernés. Utilisez à cette fin tous les canaux à votre disposition, par exemple l'email, WhatsApp, Twitter, Vimeo ou Telegram. Merci beaucoup pour toute diffusion. Herzlichen Dank für jede Weiterverbreitung.